Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le sucre pour le meilleur et pour le pire. Une série de Lydia Ben-Itzrak, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a le plaisir coupable d'une tarte au citron meringuée, un produit transformé qui est partout et fait des dégâts. Les médecins en dénoncent l'abus, il est addictif et les lobbies lui déroulent le tapis rouge. Mais comment est-ce qu'on fabrique du sucre ? Alors pour commencer, les personnages, un cultivateur de betteraves, un inventeur des lumières, un historien du milieu, un frère agronome, une saisonnière qui raconte, une mère qui s'est documentée et une guide de la maison. Ensuite le décor, un légume racine, la cristallisation, des pains de sucre, un blocus, la canne, une lutte sans pitié, un tracteur, une sucrerie, des coopératives, des quotas et de l'alcool. Aujourd'hui, premier épisode, on est dans les champs. Vous voulez goûter ? C'est comestible ? Bah oui, c'est comestible. Le sucre, pour le meilleur et pour le pire. De la betterave au grain de sucre. Jean-Philippe Navarre. Lydia Ben-Itzrak. Alexis H., on est ici en plein milieu de la Picardie. On est au sud-ouest, à l'extrême sud-ouest de la Picardie, donc on est en limite des régions Île-de-France, Normandie et Picardie, sur le département de l'Oise. Voilà, et nous on est dans le plein Vexin, oui. Alors on a plusieurs champs là autour, on a typiquement ce qui se fait sur la ferme, on a un champ de betterave là sur le côté, on a un champ de lin qui a été récolté et sur lequel on voit des repousses. En face on avait du blé et sur lequel on a semé un engrais vert. Après avoir mis un peu de compost pour faire des betteraves l'année prochaine. Et puis un peu plus loin, on avait un champ de colza. Donc là, vous avez la rotation type de la ferme, à savoir blé, betterave, blé, lin, blé, colza, blé, betterave. Et celle-ci, on pourrait la manger si on voulait ? Si vous voulez, je commence, hein, si vous avez peur. Non, je vais essayer. Oh, c'est très sucré. Ça a vraiment un goût de betterave. Donc dans une betterave comme ça, vous avez aujourd'hui, parce qu'il a fait très sec, il y a 20-21% de sucre, à peu près. C'est étonnant. Hein. C'est sucré. Hein. Oui, c'est sucré, mais ça a quand même c'est un bien. Petit goût de plus betterave. Plus elles sont sucrées, plus je gagne ma vie. On a fait des recherches en essayant d'extraire le sucre du miel, des châtaignes, des poires, des pommes, du maïs, du mûrier, de l'érable, de la pomme de terre. On l'a essayé des cerises, ce qui n'a donné que des résultats désastreux, des prunes, des figues et, de façon plus inattendue, du varech. Mais les seuls bons résultats étaient ceux obtenus à partir du raisin. En effet, le raisin pouvait donner une sorte de sirop noirâtre que toutefois, l'on n'arrivait pas à cristalliser. Et on a alors songé au sucre de betterave. C'est votre père qui était planteur de betterave ? Mon arrière-grand-père. Ah oui, donc la famille depuis... Oui, ça c'est... Par contre, c'est mon père qui avait cette exploitation où il y avait une distillerie, mais il ne l'a pas connue, la distillerie. On avait des petites locomotives de co Alain Jean Roy. Qui circulaient dans les champs pour aller ramasser les betteraves. Enfin, des choses qui n'existeraient plus maintenant. Je suis président des amis, peu importe, Académie de l'agriculture, et puis ben, ancien directeur général de la CGB quand même pendant 25 ans. J'ai une certaine légitimité. Donc 2011 est une date importante pour la betterave française. 2011, c'est effectivement l'année où nous avons célébré le bicentenaire de la betterave aux Invalides. Alors pourquoi aux Invalides ? Ben, tout simplement parce que 200 ans plus tôt, c'est Napoléon qui a décidé la culture de la betterave en France face au blocus continental dont il était victime. C'est Delessert, un financier, un futur philanthrope, fils de financier qui avait de l'argent et apparemment des loisirs, qui était né à Lyon en 1773, qui a eu l'idée d'extraire de la betterave du sucre. Delessert, dans une sucrerie qui se situait à Passy, a sorti le premier pain de sucre de betterave en France et a permis donc à cette plante de se développer et de devenir véritablement la principale pourvoyeuse de sucre pour les Français. Alors Alain Jeanroy, pour qu'on se représente, à quoi ressemble un pain de sucre de betterave ? Un pain de sucre, qu'il soit de betterave ou de canne, c'est la même chose. C'est une espèce de pyramide qui est façonnée dans des moules. Et c'était de cette façon-là qu'on consommait le sucre au 18e et même avant. Dans les cuisines, il y avait des marteaux pour casser les pains de sucre. Et on consommait donc ce sucre de cette façon. Maintenant, bien évidemment, ces pains de sucre ont disparu. Ils existent encore un petit peu dans la frange du Maghreb, où il se fabrique encore quelques pains de sucre, mais c'est excessivement rare maintenant. Ça relève plutôt de l'anecdote plutôt que d'autre chose. La culture de la betterave à sucre date du Premier Empire. Avant, le sucre venait de la canne à sucre qui était cultivée dans ce que l'on appelait les îles, les Antilles. Or, la Révolution a provoqué une rupture. C'était de liberté et d'égalité, ont gagné les îles, les esclaves se sont révoltés et ont brûlé un certain nombre de plantations. Les Français se sont retrouvés à partir de 1793 sans sucre ou avec des quantités très faibles de sucre. Il s'agissait de sucre venu d'Angleterre. Mais pour lutter contre l'Angleterre, on a établi le blocus continental, c'est-à-dire que l'empereur, et déjà avant le directoire, ont fait décider le boycott de tous les produits anglais sur le continent. Il y a eu le blocus continental, mais une fois que le blocus continental a cessé, eh bien, a repris une lutte des producteurs de sucre des îles de façon à approvisionner la France plutôt que de continuer à betterave. D'aucuns voulaient faire arrêter la betterave au bénéfice des importations, bien sûr, du sucre des îles de La Réunion ou bien les îles Martinique et Guadeloupe. Quelle date alors Le blocus est en 1811 et c'est donc, alors il a duré un certain temps, mais après on est revenu dans des échanges normaux avec bien sûr les autres pays puisque l'Angleterre a cessé, la perfide Albion a cessé de nous ennuyer donc avec le blocus. Mais ce qui s'est passé, c'est que là où on assiste à une véritablement lutte, une lutte entre le sucre de betterave et le sucre de canne. D'ailleurs, il y a eu des déclarations enflammées de Lamartine, il y a eu des dessins caricaturaux de Daumier, voyant le général betterave à l'assaut des champs de canne. Enfin, il y a des choses merveilleuses. Et là, vous avez combien d'hectares, vous, de betterave ici, Alexis H? Sur la ferme, 45 hectares cette année. Et vous désherbez aujourd'hui avec votre petit tracteur sans cabine ? On ne désherbe pas, on enlève les betteraves montées. Ah, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est dans les graines, il peut y avoir des dégénérescences ou des contaminations au moment de la multiplication de semences. Et vous avez des betteraves, on peut aller les voir si vous voulez, qui montent à graines. Et donc ces betteraves-là ne produisent, peuvent produire du sucre, mais le gros problème, c'est qu'elles produisent un grand nombre de graines. Et qu'on ne peut pas détruire après quand on réimplantera des betteraves dans 4 ans ou dans 5 ans, ben on ne pourra pas les détruire autrement que manuellement. Vous voyez, c'est ça, donc là on voit bien, vous avez un rang de betteraves et sur le rang, donc c'est bien une betterave qui a été semée, vous avez une betterave montée. C'est en gros 100 000 graines pour une betterave. Voilà, donc ça il faut soit l'arracher si on y arrive, soit avec un outil, la couper, quoi. Normalement, on doit l'arracher avant, parce que je suis un peu en retard. Mais... Vous voyez, on coupe, et voilà. Alain Jeanroy, pour revenir aux origines du sucre de betterave, c'est le frère Eugène Marie, un grand agronome picard du 19e siècle, qui a essayé de perfectionner en quelque sorte les différents types de betterave, puisque ce n'est pas la même que celle que l'on mange. Donc tout à fait, il ne faut pas confondre la betterave rouge et la betterave sucrière. La betterave rouge est un légume, la betterave sucrière est d'une autre origine. Et d'ailleurs, on trouve beaucoup de betteraves sauvages, type sucrière, sur toutes les bordures littorales. C'est là d'ailleurs que les collections de nos généticiens se sont enrichies. Alors en ce qui concerne ce frère Eugénie-Marie que vous signaliez, effectivement, les Lassalliens se consacraient beaucoup à ce genre de science, à la différence des jésuites qui étaient, on va dire, beaucoup plus intellectuels. Et c'est vrai que les Lassalliens, d'ailleurs, sont à l'origine d'un certain nombre d'écoles d'agronomie. La semence de betterave est une semence qui est excessivement élaborée. Aujourd'hui, les généticiens donc, se consacrent à la betterave et c'est vrai que nous avons bénéficié par l'amélioration génétique classique sans jamais que cela soit par des organismes génétiquement modifiés. Il n'y a d'ailleurs pas de betterave OGM en France ni dans l'Union européenne. Eh bien, par ce progrès génétique, nous avons énormément amélioré les rendements au point que actuellement, un mètre carré de production betteravière nous produit une boîte d'un kilo de sucre prêt à être consommé. Donc à l'hectare, on produit entre 13 et 17 tonnes de sucre. Cette année, on va plutôt être à 12-13 tonnes. C'est plutôt une mauvaise année parce qu'il a fait très sec. Après, on peut servir de ces betteraves-là soit pour faire du sucre, soit pour faire de l'alcool, soit pour faire de l'éthanol carburant. Sur un hectare, vous faites de quoi rouler pendant 100 000 km. Donc ça, c'est une filière qui devrait se développer plus avec l'engouement qu'il y a pour le climat et ces choses-là, parce que là, globalement, c'est un carburant local. On n'a pas besoin de faire le tour de la planète pour le ramener jusque chez nous. Et puis, on a quand même des capacités de production qui sont importantes. Hein. La sucrerie met en route autour du 15 septembre et va tourner, si tout va bien, jusqu'au 15 janvier à peu près. Elle donne un planning à l'ensemble des agriculteurs et chacun a des dates d'arrachage pour que tout le monde n'arrache pas en même temps. L'intérêt en ce moment, vous voyez, c'est que si on arrachait vraiment trop tôt, les betteraves, déjà, elles pousseraient plus, alors que là, elles sont encore en train de pousser. Et puis, on perdrait du sucre, du rendement. On n'a pas intérêt à arracher trop tôt. Mais s'il y a une grosse pluie, ça bouleverse le planning. Alors non, c'est à nous de nous adapter pour que les betteraves soient en tas au moment où la grue va venir. Hein. De toute façon, enfin la grue ou la valeur va venir enlever les betteraves. Donc à nous de surveiller la météo et d'arracher en temps et en heure pour que ce soit mis en silo. Quoi. Après, on a des outils informatiques qui calculent en fonction des sommes de température historiques la durée pendant laquelle on peut laisser les betteraves en silo. Donc on tape notre date de mise à disposition et il va nous dire, compte tenu des sommes de température, vous pouvez arracher à partir de telle date sans qu'il y ait de risque de pourriture. Quoi. Et là, la sucrerie, elle se trouve à combien de kilomètres d'ici ? On est à 25 kilomètres d'ici, sur les Trépanies, en Normandie pour le coup. La sucrerie, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur une usine comme les Trépanies, vous avez... la capacité de l'usine, c'est 13 500, 14 000 tonnes par jour. Oui, c'est énorme. Quand ça tourne bien. On a un rayon d'approvisionnement d'à peu près 45 km. Donc vous avez des betteraves qui sont plantées donc là juste à côté de la sucrerie et vous en avez sur le département donc de l'Eure, de la Seine-Maritime, de l'Oise et du Val-d'Oise. Donc celle-ci, elle date de 1864. Eh oui, c'est une vieille gamme. Oui. Et c'est ici que vont arriver les betteraves d'Alexis H, puisque les camions arrivent directement ici. C'est un boulot de saisonnier. Ben là, on part carrément 2 mois. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Hein. C'est on continue qu'on travaille. On part dans les champs, on nous donne un site bien précis où on doit aller charger. Ils chargent la benne. On revient à la sucrerie. Donc la première étape pour eux, c'est de se peser à plein. Dans ce centre de réception, on va prélever un échantillon qui déterminera le poids de betterave livré, la richesse en sucre de la betterave. Et ce sont grâce à ces deux critères qu'on va pouvoir rémunérer l'agriculteur sur les betteraves qu'il nous a livrées. C'est avec le temps, la betterave n'a plus les mêmes propriétés en sucre. Donc vous retirez la tare et on va dire que vous faites 30 tonnes dans la benne. Donc on fait pas énormément de voyages dans la journée, on en fait entre 10 et 12. Mais ça commence à 6 heures du matin et ça se termine à la tombée de la nuit. Ce sont donc environ 600 camions par jour qui viennent alimenter la sucrerie. Comme élément de comparaison, on dit toujours que ces 600 camions à eux seuls font l'équivalent d'un tour de la Terre en kilomètres par jour. C'est à peu près un camion sur deux qui arrive, qui va se faire échantillonner. On va prélever à peu près 60 kg de betteraves qu'une opératrice va trier pour mettre de côté les betteraves marchandes et non marchandes. Une fois que la betterave est triée, va ensuite être amené dans un laboratoire dans lequel on va analyser la richesse en sucre grâce à un saccharimètre, puisqu'on mesure le taux de saccharose, qui est le sucre de la betterave. Et donc, avec le poids et la richesse en sucre, on va pouvoir rémunérer l'agriculteur. Il faut savoir que dans une betterave, on peut faire à peu près 20 morceaux de sucre. Donc la richesse actuellement des betteraves n'est pas trop mauvaise, puisque si on regarde l'écran, on est à peu près, vous voyez, à 18,7% de richesse. Dans une betterave, vous avez 75% d'eau, vous avez 5% d'impureté et le reste en sucre. Donc à 18 et quelques pourcents, on est bien. L'industrie sucrière a commencé à naître à l'initiative d'agriculteurs qui se sont improvisés, voire devenus industriels du sucre, en transformant leur propre production. Après, alors, il y a eu donc un nombre considérable, bien sûr, d'outils industriels de transformation de la betterave. Ça se comptait en centaines en France, et bien évidemment au gré des restructurations industrielles, des guerres, bien sûr, puisque la région betteravière, c'est le quart nord-est de la France, a été victime des deux conflits mondiaux qui ont véritablement anéanti en 14-18 l'outil industriel, en Picardie en particulier, et qui a été donc reconstruit, puis qui a eu subi également des dommages en 39-40. Tout ça fait que l'industrie sucrière s'est progressivement structurée et s'est structurée aussi autour de familles industrielles qui se sont détachées des exploitants, les exploitants agricoles fournissant la matière première à l'industriel par regroupement d'un certain nombre d'outils de production. Et donc ce qui a fait naître des groupes comme Compagnie Française de Sucrerie, comme Saint-Louis Sucre, comme Béguincé. Alors des groupes qui donc ont évolué, et effectivement, pour certains d'ailleurs n'existent plus, pour d'autres continuent. Mais il y a eu donc toute cette restructuration industrielle qui a fait apparaître des outils industriels très importants, et on peut considérer que dans l'Union européenne, c'est en France qu'on trouve les outils les plus performants en la matière. Donc vous avez devant vous la cour à betteraves. C'est ici que les betteraves sont entassées une fois qu'elles sont amenées par les camions. Vous avez un chouleur qui va pousser les betteraves vers le centre de la cour. Les betteraves vont tomber dans un caniveau dans lequel de puissantes lances à eau vont les entraîner jusqu'au lavoir. Ah ben alors le nettoyage, il commence à l'arrachage. Hein. C'est-à-dire que il faut essayer d'enlever le plus de terre possible et les machines sont étudiées pour. Et puis après on les met en silo, il y a encore une machine qui nettoie avant de charger les camions pour éviter de transporter de la terre. Hein. C'est vrai que ça nous coûte à nous, ça coûte à l'industriel. Et puis nous on préfère laisser la terre dans la terre que de l'emmener à la sucrerie. Donc elles sont nettoyées une deuxième fois et elles sont nettoyées une dernière fois à la sucrerie. Là avec de l'eau, des jets et pour obtenir des racines sans terre. Quoi. Donc nous sommes ici devant le lavoir. On va d'abord séparer les pierres qu'on revendra. Ça servira à faire du remblai pour les routes. On va ensuite séparer les betteraves des herbes. Une fois encore, les herbes vont servir à faire du compost. On va ensuite récupérer notre betterave qui va être lavée. Elle va passer sur des tables à rouleaux sur lesquelles vous avez des buses à forte pression d'eau qui vont bien décrasser la betterave pour qu'on puisse ensuite la mettre en process dans l'usine. La betterave fait du sucre blanc automatiquement. La canne fait du sucre roux automatiquement. On ne passe pas par le sucre roux pour faire du sucre blanc de betterave. Et on ne le blanchit pas. Qu'est-ce qui fait cette couleur ocre du sucre de canne ? Ben c'est des impuretés. Alors les impuretés, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être des oligo-éléments de la terre, etc. Voilà. Et alors après, on peut laver avec un jet de vapeur. Vous pouvez laver le dessus pour faire du sucre blanc. Mais bon, voilà. C'est, disons que c'est, il faut bien voir cette chose-là. C'est que véritablement, le sucre blanc de betterave est un produit complètement pur. Alors, on est arrivé sur le corps de ferme. Donc, c'est là où on a tous nos matériels, où on stocke nos récoltes. Et puis, il y a aussi un peu d'activité annexe. Là, il y a un gîte rural qui a été aménagé par mes parents et dont ils s'occupent encore. Voilà. Et puis, sur cette ferme-là, on fait aussi... ferme de découverte, donc on a des groupes qui viennent de temps en temps visiter la ferme, faire des bouquets, des choses comme ça. C'est une ferme familiale depuis 4 générations. C'est votre maman ? Oui. Bah, on est chez elle. Et je disais à Alexis justement que j'ai lu une monographie de ferme pas loin, où il disait qu'en 1900, c'était dans les années 1920, quand les betteraves gelaient ou qu'il y avait des problèmes de culture et tout ça, ils remplaçaient la betterave par le rutabaga pour faire tourner la distillerie. C'était des distilleries. À l'échelle d'un village, où, enfin, souvent c'était une ferme. Ils avaient l'eau. Et ils ont été parmi les premières fermes électrifiées parce qu'ils avaient besoin. Alors ils avaient des systèmes autonomes de gestion d'électricité dans les fermes du village et puis ça profitait aussi aux habitants. Et c'est à quel moment qu'ils ont basculé vers le sucre ? Après la guerre. Après la guerre et au fur et à mesure des regroupements. Il y avait des gros besoins. On avait des petites sucreries qui faisaient 1500 tonnes de betteraves jour et on arrive aujourd'hui à des 13, 15, voire des plus grosses à plus de 20 000 tonnes jour. Après, la gestion de la culture, c'est pas la même. Parce qu'il y a tout ce qui est transport, tout ce qui est... Quand la petite... La distillerie existait, on avait tout sur place quasiment. Et puis plus on a regroupé, plus il a fallu transporter les betteraves. Et il y a des fois, on se pose des questions sur le... Où vont nos betteraves ? Vous y êtes attachés. Non, mais enfin, quand même, quand on produit quelque chose, on aime bien savoir ce que ça devient. D'ailleurs, on va contrôler. On va voir si ça se passe bien. Vous allez jeter un petit coup d'œil dans la sucrerie Pas dans la sucrerie, on n'a pas le droit. Mais au centre de réception. Ah, d'accord. Centre d'analyse, que je vous disais, au moment où ils font des échantillons dans les camions pour analyser la qualité des betteraves, là, on a accès. On a une visibilité sur la manière d'échantillonner et sur la qualité de ce qu'on livre. Ah oui, et elles sont de bonne qualité, vos betteraves ? Ça dépend des années. Ah oui. Globalement, on essaye de faire de la bonne qualité, oui. Mais... C'est des terres à vocation... Les travières, c'est des terres profondes, il n'y a pas de cailloux, il y a un potentiel naturel. Et ça dépend de quoi alors, la qualité ? La météo. La météo, la façon dont l'agriculteur traite sa culture aussi. C'est tout un cheminement entre le moment où d'abord ce qu'on choisit comme variété. Après, on a des producteurs de graines de betteraves en France qui sont parmi les meilleurs en Europe. Et donc, qui sélectionne tout plein de variétés. Le facteur numéro un, c'est le sol. Il faut la réserve. Il faut la réserve dans le sol. À la fois la réserve en éléments nutritifs, en minéraux. Et après, la deuxième chose, c'est l'eau. Idéalement, il faut plutôt de la pluviométrie début de cycle et en été. Et après, plutôt du soleil pour faire du sucre en fin de cycle. C'est le climat idéal. En réalité, on ne l'a jamais, le climat idéal, ou quasiment jamais. Donc... à nous de faire ce qu'il faut pour que au pied de la betterave il y ait assez d'éléments pour qu'elle puisse résister. Et au printemps, c'est important aussi dès qu'on a semé la betterave, c'est une toute petite graine avec deux petites feuilles. Elle est à la merci de plein de choses et c'est vrai que plus elle pousse vite, plus elle s'en sort, quoi. Elle est robuste. Et donc pour qu'elle pousse vite, il faut que le sol soit bien préparé. C'est un savoir-faire aussi, c'est un savoir-faire. C'est votre mari plutôt qui a travaillé dans les champs. Oui, mon mari. Mais il a vraiment arraché à la main à l'époque. Non. Lui, non. C'est la génération, d'avant. Ah, oui. Ils ont connu les chevaux, ils faisaient venir beaucoup de Bretons. C'était, à l'époque, c'était les Bretons ou des gens du Nord. Donc je vois que vous avez été arraché des betteraves montées. Oui, c'était pas trop. C'était pour entrée en matière. C'est ça, Alexis nous racontait que vraiment la betterave, c'était une histoire familiale depuis plusieurs générations. Mon grand-père a fondé la coopérative agricole betteravière du Bouloume. Il était un des membres fondateurs. Ah oui. C'est une coopérative qui faisait de l'alcool. Parce qu'à l'époque, pendant la guerre, il y avait de l'alcool qui servait à faire marcher les voitures, quoi. C'était de l'alcool carburant. Et après, ils ont fait de l'alcool rectifié, c'est-à-dire qu'ils ont purifié l'alcool pour le mettre dans des compositions différentes, à la fois pharmaceutiques, boissons comme boissons alcoolisées, etc. Et c'est une petite usine qui avait une quarantaine d'adhérents et qui après a été rachetée par Général Sucrière à Étrépagny, qui est devenue maintenant Saint-Louis Sucre. Mais mon grand-père faisait déjà une quarantaine d'hectares de betteraves. La betterave était consacrée au sucre dans les années 70 à peu près, quand c'est parti chez Général Sucrière. Parce qu'avant, c'était que de l'alcool. La petite coopérative ne fabriquait que de l'alcool. C'était une distillerie, en fait. Et à cette époque, il y avait déjà une sorte de mécanisation de l'arrachage. Ah oui. Enfin, au tout départ, quand ils ont fondé la coopérative, non, parce que c'était des saisonniers qui venaient. Au départ, c'était des Belges. Après, ça a été des Portugais, ça a été des Espagnols, etc. Parce qu'avant, tout se faisait à la main, comme ça, avec une fourche. On a encore des fourches à betteraves et des couperets, parce qu'il fallait d'abord couper les betteraves, les aligner face à face. Et après, donc, il y avait deux personnes qui arrachaient. Il y avait une personne qui coupait les feuilles, qui coupait les collets. Et donc lui, il coupait de chaque côté, et après c'était ramassé, comme je vous dis, à la main, tapé l'une sur l'autre et chargé dans les tombereaux pour faire des tas en bout de plaine comme on fait aujourd'hui. Puis après c'était rechargé pour emmener à la distillerie. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui avec la mécanisation, c'est plus du tout le même métier que faisaient mon grand-père et mon père. Même mon père au départ, si vous voulez, c'était de la graine qui était polygerme. Donc sur une graine, il y avait plusieurs betteraves, donc il fallait ce qu'on appelle les démarrier. C'est-à-dire passer la binette sur les rangs de betteraves, entre les betteraves, pour en laisser un certain nombre suffisant, c'est-à-dire en gros 120, 130 000 pieds à l'hectare, 130 000 betteraves à l'hectare, alors qu'avec les graines où il y avait 4 plantes par graine, il y en avait beaucoup trop, quoi. Et la génétique, là, nous a bien aidés, parce que maintenant, avec les monogermes, on sème juste une graine de betterave, et à cette graine de betterave va correspondre une betterave. Et ça prenait du temps Ça prenait beaucoup de temps. Ça démarrait sur des betteraves qui avaient deux feuilles jusqu'à pendant un mois et demi, deux mois, les saisonniers, ils faisaient que ça. Et c'était un métier très difficile au niveau physique, puisqu'il fallait toujours être penché au niveau du rayon avec des lunettes qui avaient des manches de 30 ou 40 cm. C'était pas des grands manches comme aujourd'hui où quand on fait du nettoyage, on prend des grands manches, on n'a pas à se baisser. Là, ils étaient le dos courbé toute la journée du matin au soir. Et combien de temps ça prenait cet arrachage ? Oh ben cet arrachage, ça démarrait au 15 septembre et ça se terminait fin novembre, quoi. À peu près comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, les quantités de betteraves sont plus du tout les mêmes. Il y a des quantités de betteraves beaucoup plus importantes. Déjà, il y a 1500 planteurs sur les lignes des Trépanis. Je vous dis, il y avait 40 planteurs sur la petite coopérative, donc c'est plus du tout la même chose. Et beaucoup moins de gens pour les arracher. Ah oui. Sensation très particulière d'être aux manettes de cet engin. Ouais, bah c'est vrai que c'est impressionnant. C'est une des plus grosses machines de récolte dans le monde. Donc, Il y a beaucoup d'informatique dedans, j'imagine. Tout est géré sous Windows, ouais. Il y a 5 ordinateurs à bord. On a un joystick avec une petite trentaine de fonctions où on peut régler toute la machine à partir de la main droite. C'est comme tout métier, quoi. C'est tactique et puis ça vient, c'est un instinct, quoi. Ah, un instinct. Mais vous faites ça depuis combien d'années? 20 ans. Ah oui, c'est ça. Je suis plus ancien chauffeur de France sur ces types de machines. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Et c'est comment votre nom? Christophe. Christophe comment? Adam. Adam. Je suis Seine-Maritime, je viens faire la saison. Je suis saisonnier agricole sur la période de l'arrachage et ensuite je rejoins ma famille pour le restant de la période de l'année, quoi. Ça prend 3-4 mois Là, on débute, c'est 15 septembre, 15 janvier actuellement. Et là, on entend que c'est assez bruyant, mais est-ce que dans la cabine, c'est insonorisé pour vous? Vous pouvez venir faire un tour, mais vous n'allez rien entendre. Ah, d'accord. Ah bah oui, je crois que... J'en suis au point où, quand mes amis ou ma femme m'appellent, me demandent si je travaille. Je dis oui. C'est le lieu de travail extrêmement calme. Faut monter pour... Ouais, faites un tour, si vous voulez. Oui, on va monter. Vous avez un quart d'heure. Ouais, c'est... Est-ce que vous pouvez écouter la radio là-dedans? Oui, donc vous pouvez vous mettre juste derrière le siège, puis on sera monté ici. On est très haut. Donc là, on attaque carrément un champ de betteraves et on voit vraiment les betteraves qui rentrent, qu'on entend là, qu'on charge en fait. Comme du verre ou des bouteilles? Alors, c'est les cailloux qui résonnent sur la tabarolo, c'est ce que je vous disais, c'est le seul bruit qu'on va entendre. Ah oui. Parce que les rouleaux sont creux et puis ça résonne tout simplement. Et là, le fait qu'on est en condition sèche, On parlait de l'informatisation, mais là, vous avez 3-4 écrans sous les yeux en même temps avec des caméras. Ça, c'est l'avant et l'arrière ? Ah. Donc là, ça m'a averti qu'il y a un caillou qui m'a bloqué les turbines. Là, j'ai une caméra. Ouais, il faut que je descende. Ah. Donc là, c'est une intervention manuelle. Oula ! La machine m'a dit qu'il y avait un problème, je sais où. C'était grave, c'était un gros caillou ? Oh non, du caillou. Alors, quand même. Et c'est la longueur, combien mesure l'appareil en entier ? On est à 16 mètres, je crois. 15 mètres 50, 16 mètres. Ah oui. 4 mètres 10 hauteur transport route, quand on se déplace sur la route, en hauteur. Je fais attention, il y a un gros caillou là. Et ensuite, là, déplié dans le champ, on est à 5 mètres 50. On arrache les... avec 6 rangs qui sont distants de 45 cm. Donc, si jamais, quand ils ont semé en 12 rangs, l'intersemoir entre 2 fois 12 rangs, l'écart, il sème régulièrement au GPS, mais l'écart peut être plus de 45 cm. Si on n'est pas dans le semoir, donc on a par exemple 50, ben ça ne montera pas. Donc on n'arrache pas la betterave, tout simplement. Donc c'est à nous d'être attentifs et puis repérer les semoirs. En général, on fait un peu plus d'un hectare à l'heure, donc environ 80 tonnes de betterave à l'heure. Et donc la machine, vous avez peut-être pas vu, mais dès qu'on a 6 rangs de betterave, je la mets en autoguidage, je touche plus à rien. Donc elle est capable de prendre un virage, d'arracher les betteraves sur des grandes distances. Tant qu'il y a des présences de betteraves, ben c'est ça qui va guider les tâteurs de rang à l'avant. Donc le joystick que je vous disais tout à l'heure, il est là. Donc il y a tout plein de boutons avec des doubles fonctions derrière. C'est vrai qu'on dirait un gros jouet, une sorte de Playmobil géant, ouais. Là. Et c'est un gros jouet qui est complexe à conduire. Non mais généralement là, parfois la machine tourne 24 heures sur 24, donc là on est deux voire trois chauffeurs selon les horaires. Pour essayer de faire 8-10 heures de travail, quoi, pour être dans la législation, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'attention à avoir, donc il faut quand même dormir, il n'y a pas. Ah, vous voyez, j'habite à combien de mètres là ? Il y a des polémiques sur les distances des champs. Oui. Mon champ de betterave est chez moi, devant la maison. Ah oui. Oui, et du coup, pour les pesticides, ça pose pas de soucis s'il y a du vent du mauvais côté. S'il y a du vent, on ne traite pas. Hein. Ah oui. Et donc, d'ailleurs, vous le voyez parce que il n'y aurait plus d'herbe si vraiment le. Il y avait de la dérive, comme on dit, il n'y avait plus d'herbe. Et puis là-bas, j'ai des pommiers derrière. Bon, là, les pommes sont ramassées, mais il y a une matière active qu'on utilise pour désherber les betteraves qui s'appelle la métamitrone. C'est une hormone qu'on utilise naturellement pour éclaircir les pommiers. Donc, si vraiment il y avait de la dérive, j'aurais eu aucune pomme. Et là, mon pommier, il était couvert de pommes. Bah, les pommes, elles sont dans la maison sous la cheminée, vous verrez tout à l'heure, mais... Bon, on a des pulvérisateurs qui sont contrôlés tous les 5 ans avec des contrôles. On a, nous, des examens certifito qu'on doit passer aussi tous les 5 ans pour remettre à jour nos connaissances, nos pratiques. On a des produits qui sont homologués par l'État, distribués et tracés, enregistrés parcelle par parcelle en temps réel ou quasiment. Si je pensais qu'il y avait vraiment un risque et que c'était vraiment dangereux, je ne mettrais pas ça au pied de mon jardin, quoi. Alors en fait, le gros point clé sur la culture même de la betterave, c'est le désherbage. Et donc le désherbage, aujourd'hui, il est fait avec des produits phytosanitaires qui nous permettent de sélectionner les betteraves vis-à-vis des autres adventices. Demain, si on doit passer en agriculture biologique, on a deux solutions, le binage, qui est que partiel, et ensuite on doit finir par un désherbage qui est manuel. En termes de main-d'œuvre, un désherbage manuel d'un hectare de betterave, c'est 150 heures à l'hectare. Ça représente en gros 10 fois le prix d'un désherbage classique comme ce qui est pratiqué aujourd'hui. On a un coût d'environ 24 euros de l'hectare des passages de désherbage. Demain, avec de la main-d'œuvre, bah, 150 heures par, je vais dire, une quinzaine d'euros de l'heure à peu près, 20 euros de l'heure, un SMIC. Donc il faudrait que le sucre vaille beaucoup plus cher pour arriver à rentabiliser la culture. Et d'autre part, il faudrait aussi avoir une main-d'œuvre qui veuille bien faire ce travail-là. On a deux problèmes. On a le coût de la main-d'œuvre et la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est un travail qui n'est pas forcément marrant, qui est à faire au début de la culture, enfin à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc avec des conditions climatiques qui ne sont pas forcément au top. Et donc il faut trouver les gens qui veulent bien faire ce travail. Et du coup, le reste de l'année, c'est plus calme pour vous? Vous avez quand même beaucoup de... On a d'autres cultures. Hein. Oui, on n'a pas que la betterave. C'est le principe des rotations. Hein. Il nous faut d'autres cultures pour que on puisse cultiver la betterave. On ne peut pas faire betterave sur betterave sur betterave sur betterave. Et plus on a de cultures, mieux c'est. Parce que on a moins de prédateurs sur la parcelle donnée pour une culture donnée quand elle revient tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Donc le restant de l'année, par exemple, là, on va démarrer les semis de blé, derrière les lins, derrière les colzas, derrière les betteraves quand elles seront arrachées. Après, on a du désherbage à faire sur les blés. Après, on a l'hiver, c'est tout ce qui est administratif. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui nous prennent de plus en plus de temps. On est quand même... extrêmement contrôlé hein, sur l'ensemble de ce qu'on achète, l'ensemble de ce qu'on met sur les cultures. On a des traçabilités matières, on a des cahiers d'enregistrement matières à la fois pour les produits phytosanitaires et pour les engrais. Il y a une réglementation européenne et il y a en général une surtransposition française qui fait qu'on est toujours, on lave toujours plus blanc que blanc. Et donc on a toujours un peu plus de contraintes que ce qu'on voit dans le reste des pays européens. Pour vous donner une idée, par exemple, les néonicotinoïdes, ils sont interdits chez nous, ils sont interdits au niveau de l'Europe, mais on a le droit de donner des dérogations, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont des dérogations. La Pologne a une dérogation, la Belgique a eu une dérogation. Il y a énormément de pays qui ont le droit de les utiliser. Donc on est sur un marché de libre circulation des marchandises, mais avec... des règles qui sont propres à chacun au sein de l'Europe. Mais quand même, parce que l'histoire de la fin des quotas, oui. Est-ce qu'on peut juste expliquer en quoi ça consistait avant la politique agricole commune et ce qui a changé après, juste pour que, puisqu'il y avait un système de compensation quand même et de prix garanti. C'est-à-dire que il y avait surtout un volume maximal. C'est-à-dire qu'on avait un quota de betteraves, on avait le droit de faire X hectares. Les gens qui avaient l'autorisation, donc c'était comment, c'était de père en fils, comment des ça quotas. C'est des quotas historiques, c'est-à-dire que au moment de la création, ils ont regardé qui est-ce qui faisait des betteraves, et puis ils ont dit bon on fige la situation et c'est vous avez autant de quotas quoi. Et c'était attaché à une sucrerie et ensuite dispatché aux fermes. Nous avions un régime de avant-guerre de contingentement, puis après-guerre de quotas de production, qui faisait que nous étions dans une profession très organisée. En 2017, il était décidé de mettre fin à cette exception réglementaire. L'inquiétude des producteurs de sucre français. Les cours se sont effondrés ces dernières semaines en raison d'une production mondiale trop importante. France Inter, juin 2018. En Thaïlande, en Inde, au Pakistan, la production a augmenté de 50%. La France, premier producteur en Europe, est touchée de plein fouet. Manuel Ruffez. On s'attendait à des hauts et des bas, mais pas à ça. C'est Éric Lenné, le président de la Confédération des planteurs de betteraves, qui parle. La fin des quotas en Europe a donné des envies de conquête. L'Union européenne a produit 4 millions de tonnes de betteraves supplémentaires cette saison. En France, tous les producteurs ont augmenté leur surface. C'était sans compter sur l'explosion de la production asiatique. Il y a eu un gros changement au moment de la fin des quotas en 2017. Oui. Un gros changement, un marché mondial qui s'est effondré et un marché européen qui a suivi. Mais par contre, vous... En tant que consommateur, vous n'avez pas vu de différence. Ni sur le prix de la bouteille de coca, ni sur le paquet de sucre, ni sur le Ferrero Rocher. Donc le seul qui a gagné de l'argent dans l'histoire, c'est l'industriel de deuxième transformation. Parce que le sucrier en tant que tel, aujourd'hui, tous les sucriers sont dans le rouge. Ils n'ont pas gagné d'argent. Ils sont plutôt dans des positions de faiblesse. Ce qui a fait qu'on en est arrivé là, c'est qu'on a été en surproduction une année et que le marché mondial aussi était en surproduction. Donc, c'est une conjoncture qui est un peu... qui est très mauvaise, en fait. Avant avant 2017, il y avait combien de planteurs de betteraves en France, grosso modo, et combien il y en a aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'évolution en termes de nombre de planteurs de betteraves. Je dirais même qu'il y en a un peu plus qu'en 2017, puisque le régime des quotas empêchait certains agriculteurs de rentrer dans la profession, puisqu'il faut avoir des quotas qui étaient attachés à la terre. Donc soit vous achetiez de la terre qui portait des quotas et vous faisiez de la betterave, mais si vous aviez de la terre sans quotas, vous ne faisiez pas de betterave. Or, depuis 2017, n'importe qui peut faire de la betterave. Donc je dirais même que le nombre de planteurs a plutôt augmenté depuis 2017. Actuellement, donc en France, nous avons 25 000 planteurs pour une surface de betterave qui doit être de l'ordre de 400 000 hectares. Et d'ailleurs, la production elle-même a augmenté. Elle a augmenté de 20% en 2018. Elle s'est un peu réduite en 2019 pour cause de manque de rentabilité. La consommation mondiale croît de 2% par an tous les ans du fait de l'augmentation du nombre d'habitants de cette planète. C'est 2 à 3 millions de tonnes de sucre à faire en plus tous les ans. Mais je veux dire, c'est significatif. Donc, je veux dire, il faut satisfaire cette augmentation de consommation. La seule chose, c'est que la production, c'est pas une usine. Donc, vous savez pas toujours quels sont les rendements que vous allez faire. Donc, c'est toujours un peu particulier. Et donc, du coup, il y a toujours une inadéquation entre l'offre et la demande qui fait que les prix peuvent fluctuer. En fait, on signe des contrats avec l'industriel et c'est lui qui nous dit « Ok, j'accepte ou j'accepte pas ». C'est un des enjeux en ce moment, c'est-à-dire qu'on essaye de réorganiser la filière avec les organisations de producteurs. Donc de se regrouper en tant que producteur à plusieurs pour commercialiser tous ensemble nos betteraves et arriver à avoir un prix qui est correct. Parce que le prix des betteraves depuis 10 ans, il a été diminué d'un tiers. Au gré des restructurations, alors pas seulement matérielle, mais financière, des sucreries de betteraves. C'est-à-dire qu'il y a eu un désintéressement des financiers de l'activité des sucreries. Le rapport investissement-bénéfice n'était pas suffisant et ils se sont donc retirés. Ça a été le cas de compagnie française de sucreries qui était détenue par Paribas. C'était le cas de Béguincé qui était détenue par Montedison en Italie. Ça a été le cas de Vermandoise Industries qui était une société familiale. C'est la famille Deloitte, mais certainement qu'un certain nombre d'actionnaires estimaient que leur argent était mieux placé ailleurs et ont estimé qu'il était temps de vendre. Et si on se reporte en 1990, par exemple, il y avait seulement 10% du sucre qui était fabriqué dans des usines appartenant aux agriculteurs. Je vous le disais au départ, ce sont des agriculteurs qui ont fondé des usines, après donc c'est parti sur des industriels, et aujourd'hui c'est 90% du sucre qui est fabriqué dans des usines d'appartements ou aux exploitants agricoles. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on a senti qu'il fallait non seulement vivre de son produit, mais également des dividendes que pouvait ramener une activité de transformation. Donc nous avons investi et nous avons demandé, et nous avons été suivis à l'époque par les agriculteurs, de racheter les sucreries au fur et à mesure qu'elles étaient pouvaient être à vendre. Et donc progressivement, nous sommes arrivés à ce 90% d'aujourd'hui, avec donc des sociétés sucrières qui ont des statuts coopératifs et qui permettent de distribuer bien sûr des compléments de prix qui viennent en plus du prix normal auquel on achète la betterave pour faire du sucre. Valérie Rodriguez, on est à la sucrerie des Trépanis, donc là où arrivent les betteraves d'Alexis H. Quelles sont les étapes avant d'arriver vraiment au grain de sucre? Alors les grandes étapes sont tout d'abord le lavage, son découpage en cossettes, donc ça ressemble à des carottes râpées. On va ensuite plonger ces cossettes dans un bain d'eau chaude pour que le sucre puisse se libérer, c'est ce qu'on appelle la diffusion. Ce jus de diffusion, on va ensuite l'épurer pour se débarrasser des impuretés. On va ensuite les passer en évaporation pour se débarrasser de l'eau. On va obtenir un sirop qu'on va ensuite cristalliser grâce à une cuisson sous pression et à une semence qui ressemble à du sucre glace. On va récupérer les cristaux qu'on va ensuite sécher et refroidir pour pouvoir enfin les stocker et aussi les expédier. Là, on commence à sentir l'odeur de la betterave chaude. Donc, nous sommes maintenant devant notre cylindre de diffusion. Donc dans le cylindre de diffusion, il faut imaginer l'entrée des cossettes d'un côté, l'eau chaude à 70 degrés de l'autre. Donc à contre-courant, les cossettes vont pouvoir libérer leur sucre et on va obtenir notre jus de diffusion. Donc une fois le jus de diffusion épuré, c'est-à-dire débarrassé des impuretés, on va enlever l'eau qu'il reste. Donc on va passer notre jus dans les caissons d'évaporation. Nous avons des caissons d'évaporation à 5 effets. Donc de la vapeur est envoyée pour donc évaporer l'eau qui se trouve dans le jus. Une fois l'évaporation faite, on se retrouve avec une masse qu'on appelle le sirop. Il y a à peu près 70% de sucre dans ce sirop. Et c'est cette texture qu'on va cristalliser. Comment on cristallise ? On met notre sirop en cuisson sous pression avec une semence qui n'est autre que du sucre glace. Le sucre glace, avec la chaleur, va se nourrir du sirop et grossir. On le passe ensuite dans nos turbines pour séparer le sirop qui n'a pas cristallisé des cristaux. Et on va faire ça 3 fois. Lors de la première cuisson, c'est là où on aura le sucre le plus blanc. Deuxième cuisson, il va être un peu plus roux. Troisième cuisson, encore un peu plus roux. Et en troisième cuisson, le sirop qui n'a pas cristallisé va être stocké pour être expédié et revendu à l'industrie pharmaceutique, par exemple. Au niveau de l'Union européenne, la France est à égalité de production, je dirais maintenant, je crois d'ailleurs légèrement supérieure à l'Allemagne. Nous sommes le numéro 1 producteur de sucre dans l'Union européenne. Nous exportons une bonne partie de notre production sur les autres pays de l'Union européenne, mais également sur le marché mondial. Et en ce qui concerne les deux sociétés coopératives qui font à peu près 80% du sucre français, elles sont dans le top 10 des sociétés sucrières mondial. Donc ce que vous avez devant vous, ce sont des tanks à sirop. Ce sont dans ces cuves que l'on stocke le sirop que l'on reprendra au printemps pour le cristalliser. Ça nous permet, nous, de faire face à nos capacités de stockage qui sont limitées, mais ça sert aussi à pouvoir produire du sucre toute l'année pour satisfaire le client toute l'année. Avec une tonne de sirop, on fabrique à peu près 570 kg de sucre. Niveau consommation, alors quels sont les pays les plus gros consommateurs ? C'est le nombre d'habitants qui fait la consommation de sucre, ça c'est très clair. Alors on trouvera effectivement une consommation de sucre plus importante aux États-Unis qu'en Europe. Les plus fortes croissances, on les trouve dans les pays en voie de développement qui ont un niveau de vie qui augmente et un nombre d'habitants qui augmente. Donc le continent africain est un réservoir de consommation de sucre très important. Maintenant, dans l'Union européenne, on peut dire que la consommation elle est stable. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la betterave au niveau mondial, ça représente, allez, on va dire, à peu près 20% de la production mondiale. Tout le développement de la production de sucre dans le monde, c'est essentiellement la canne qui le fait. Donc ce qui veut dire que si on se reporte à il y a 40 ans, par exemple, la production betteravière représentait 30-35%, elle ne représente plus que 20% maintenant. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas rentable. En volume de betterave, je dirais même qu'on a plutôt un peu progressé au niveau mondial. Mais relativement à la canne, on est effectivement plutôt en baisse puisque l'essentiel des ventes se fait par la canne. Et la canne, ben on la trouve où ? Bien sûr, on pense tout de suite au Brésil, beaucoup en Thaïlande et en Inde. Aujourd'hui, le politique se désengage et clairement, il ne soutient pas tellement les filières. Il préfère mettre en place des filières pour importer plutôt que de produire localement. C'est général. On l'a vu, donc les premières filières qui ont été impactées, c'est les filières protéines. Donc on avait ici, dans les assèlements, du pois protéagineux qu'on n'a plus parce qu'on n'est plus rentable face au soja brésilien, américain, argentin, qui lui est produit dans des conditions qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas le droit de le produire dans ces conditions-là. Aujourd'hui, c'est des sojas qui sont OGM, résistants au glyphosate, traités en végétation, 3 cultures sur l'année, 11 litres de glyphosate en totalité sur le cycle. Donc là, on a vraiment un problème de distorsion de concurrence et ça a mis nos filières par terre. Après, ça s'est suivi avec les filières sucre. Donc là, on parle de betterave. On a libéralisé les filières sucre il y a 2 ans. Et donc, on se rend compte qu'on est en connexion directe avec un marché mondial. On est un marché mondial qui respecte pas les mêmes normes que nous. Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est la canne à sucre. Les pays qui inondent le marché du sucre sur la canne à sucre, c'est aujourd'hui l'Inde. En Inde, la production de sucre, en fait, c'est soutenu par le gouvernement parce que ça permet au gouvernement de maintenir les populations dans les zones rurales. Donc on subventionne la canne à sucre et les surplus qu'on n'arrive pas à écouler, on les envoie sur le marché mondial. Mais en gros, il y a une distorsion là. Et après, au niveau du Brésil, alors là, c'est autre chose, c'est que on intensifie. Donc on a de la canne à sucre qui peut être aussi OGM et puis qui est cultivée sur des surfaces qui ont été déforestées. Donc nous, on nous dit faites toujours mieux. On essaye de faire mieux. On fait au mieux pour le faire, mais derrière, pour nous aider, il faudrait un peu regarder ce qui rentre et pas laisser rentrer n'importe quoi. Voilà. Et même sur les filières nouvelles qui sont en train de s'ouvrir, comme le sucre bio, par exemple, on voit que sur les derniers accords Mercosur, vous avez un quota de sucre qui est attribué au Paraguay, et on a de grandes chances que ce sucre-là, ce soit du sucre bio de canne. Et c'est 250 000 tonnes de mémoire. Et donc ces 250 000 tonnes, ça va faire que les filières naissantes, elles sont mort-nées. Hein. Donc la logique, c'est toujours de dire, qu'est-ce qui se passe localement? Qu'est-ce qu'on importe de plus loin? Qui produit le mieux? Qui produit dans les meilleures conditions? Et qu'est-ce qu'on privilégie? Et nous, on est clair, on est transparent, on n'utilise que des choses qui sont homologuées. Voilà, s'il faut faire autrement, faut nous le dire. Donc ici, nous sommes sur le lieu d'expédition du sucre. Soit le sucre est chargé dans des camions citernes pour partir directement chez le client, soit il est chargé dans des conteneurs maritimes, ou soit il est chargé dans des wagons de train qui partent jusqu'au port de Rouen, au silo robuste, puisque vous voyez que nous avons une ligne de chemin de fer qui rentre directement dans la sucrerie. La ligne de chemin de fer nous est dédiée sur à peu près 39 km avant de rejoindre une ligne commune à d'autres sociétés. Donc nous avons des départs de train en campagne 6 jours sur 7 à peu près. Et comme c'est en vrac, ça ressemble à des grosses collines de sucre Oui, le sucre en vrac, effectivement, c'est une grosse montagne de poudre blanche, complètement fluide, que l'on peut charger donc, dans différents contenants. On a aussi des expéditions par big bag. Donc, ce sont des énormes sacs, qui font à peu près une tonne chacun, qui sont chargés sur palette et qui partent par camion. Donc les deux silos que vous avez devant vous sont deux silos qui servent à stocker notre produit fini, donc notre sucre en poudre. Chaque silo peut contenir environ 26 000 tonnes de sucre. C'est comme un gros pot de sucre géant. Exactement. Et mon sucre, où donc ai-je bien pu mettre ce sucre? Oh, ce sucre. Vous n'avez pas vu mon sucre, non? Mon sucre. Je veux mon sucre. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sucre? Je veux le trouver, mon sucre. Où est-ce que c'est qu'il est, mon sucre? Je le fais, mon sucre. C'était le sucre pour le meilleur et pour le pire. De la betterave au grain de sucre. Enfin, je l'ai retrouvé, mon sucre. Et j'en avais bien besoin pour me remonter, mon vieux. Avec Laure et Hervé H., Alexis H., agriculteur à Seran. Alain Jean-Roy, président de l'Association des Amis de l'Académie d'Agriculture de France. Christophe Adam, chauffeur agricole saisonnier. Viviane Tirlicien, chauffeur de camion saisonnier à la retraite. Valérie Rodriguez, de la sucrerie des Trépanis. Documentaliste Ina Manuela Dubessy, documentation sonore Virginie Gressé, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, une émission de Lydia Benitzrak. LSD, pour aujourd'hui c'est terminé, bibliographie, lien, ou pour nous réécouter dans les champs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, de la gourmandise au lobby. Mais en attendant, restez à l'écoute.